Contes et légendes de l'heure. Amfreville sous les monts. Les deux amants. Premier texte. Sur le petit revers du coteau où s'étendent maintenant les maisons rustiques d'Amfreville sous les monts, se déployaient jadis les hautes murailles d'un puissant château, dont les ruines ont disparu depuis longtemps. Là régnait un tyran. Sa fille, d'une rare beauté, inspira une violente passion à un chevalier du voisinage qu'elle aimait. Le père de la damoiselle, voyant leur amour d'un œil défavorable, attacha à leur union une condition dont les caprices féroces du pouvoir blasé expliquent à peine la brutale folie. Le chevalier ne devait obtenir le titre d'époux qu'après avoir, sans se reposer ni s'arrêter, porté son amante sur ses épaules, du pied de la côte au sommet, par le sentier rapide qui s'élève audacieusement vers le ciel. Rien n'étonne son courage, n'affaiblit sa révolution, il part. Citation de Ducis. Déjà, de ce coteau le plus rude est franchi. Son pas n'a point changé, son corps n'a pas fléchi, son fardeau le soutient. Fin de citation. Il est prêt d'arriver au pavillon magnifique, élevé sur la plateforme, où les juges l'attendent pour le couronner. Tout à coup, il chancelle, il tombe. La jeune fille le relève, et voyant que ce n'est plus qu'un cadavre, elle le prend dans ses bras et se précipite avec lui du haut de la roche. Le vieux châtelain, accablé de douleur, fit élever sur la plateforme une chapelle funéraire qui devint un vaste moutier appelé le prieuré des deux amants. Charles Nodier, La Seine et ses bords, 1836. Lu par Sabine pour Audiocité sous la licence Art Libre.